Danger and Cuts. Vous êtes sur Pulsar, le soir, comme par hasard. It's the most beautiful, ugly sound in the world. Pulsar. This is the way the world ends. Bonsoir, je suis Julie Moé, je suis la voix. Vous écoutez Radio Pulsar sur 95.9 à Poitiers et dans le reste du monde grâce au streaming sur radio-pulsar.org. Bienvenue Audionautes dans cette nouvelle session. Ne touchez plus à rien, nous prenons le contrôle de tout ce que vous allez entendre dans les 60 prochaines minutes. Nous occupons les interstices entre les friches industrielles à l'échelle d'un monde, rémanence d'une dystopie psychopathe issue du cerveau malade d'un Satan Klaus. Nous sommes la rêve, nous sommes l'humanité. Nous sommes fêtes spontanées, autogérées à but non lucratif, nous sommes altération de l'état de conscience et accession aux autres possibles. La vibration au niveau atomique est apocalypse, révélation du réel débarrassée des oripeaux de la réalité. Fugace et joyeuse, la membrane isolant des autres éclate permettant l'expérimentation communisée. Paradis n'est pas un mot désignant un endroit uniquement accessible aux entités éthérisées, aux thanatonautes sans retour et aux psychosurfereuses chimico-stimulées. Paradis est geste parfait du quotidien dans toute sa gloire banale proprioceptive. Corps harmonisé aux fréquences tonalisées et polystructurées mouvant vivantes. Libération de l'essence. Retour à la source. Le désir. Énergie pulvérulente de cet univers est amnésie et incarnation dans les symboles. Fin. Commencement. Boucle. Perdu dans le labyrinthe de l'infinitude. Nemo. Gino sapiens sapiens. Voyageuse immobile. Monde en mouvement. Mobilis immobile. Faiseuse de musique. Rêveuse. Nous sommes l'humanité. Nous sommes la rêve. À cause de fréquents accidents sonores, le port du casque est recommandé. We'll be right back. the fuck is that? What is that? It's the most beautiful, ugly sound in the world. Danger and cuts.

Damnation. Christ. Danger and Cuts. It's the most beautiful, ugly sound in the world. Oh.

ça suck. L'aliment stock. I'm so sick. Original. I'm so sick. L'aliment stock. I'm so sick. L'aliment stock. Kill pas à mes tâches. Ça va que tu as tué pas du cancer. T'as lâché tellement ça. Tu n'es notre tête. Tu as lâché pas et ça. Tu n'es notre. Thank you. Danger and Cuts. It's the most beautiful, ugly sound in the world. Et ainsi finit l'émission, non pas dans un grand cri, mais au son de la pop sucrée du duo Capsule. La page de l'émission se trouve à l'adresse radio-pulsar.org. Avec Nitrom, on se retrouve dans 15 jours pour de nouvelles aventures. Bisous à tous. Danger and Cuts. Out. Kachino ai ga atte mo ii desho. Utari de.